sur mon cœur. Et dans l'ombre tu demeures. Ta voix tout en douceur guide mes mots et mes pleurs. La vie sombre à ses heures, mais tu vois, j'ai pas peur, et je sais sa valeur, et j'ai vu ta pâleur. Salut à toi l'amour qu'il m'a été donné de recevoir. Salut à toi toujours, tu resteras secours. Au revoir. Ne te fais pas de mauvais sang. Maintenant je suis grand, je me débrouillais bien avant. Maintenant je ferai sans. Et la plainte des armes agité par le vent, chante à mon cœur de marbre que tu dors dedans. Salut à toi l'amour qu'il m'a été donné de recevoir. Salut à toi toujours, tu resteras secours. Au revoir. La Provence et sa lumière te salue sans mystère. Un olivier tombé, ici c'est pas la misère. Je retourne à ce monde plus belle où je suis affairé. Rendre la vie plus belle, la vie que tu m'as laissée. Salut à toi l'amour qui m'a été donné de recevoir. Salut à toi toujours, tu resteras secours. Au revoir.